accepter comme Dieu a fait pour nous. L'amour, c'est une force de la vie. C'est le plus grand commandement que Dieu nous recommande. Il est formidable.